viennent mes premiers textes. Putain d'époque, l'époque des cours, mon pote. Mon blaze écrit dans les chiottes. À quelques centimètres de la cuvette, toujours ma vieille cassette de grand rapper comme Daz FX. Shaolin comme le Wu-Tang, Weezy, Tigre Zeg, ma man. Vendetta sur Undertienne. MC fonce des Alineken, enragé sur scène. Lyrics de cinglé que peu de gens comprennent. Respect aux anciens, c'est qui depuis plus dix piges tiennent le micro. Les MC de l'époque avaient déjà une putain d'attitude mais pas de flow. Rime merdique et pas plus de trois textes qui visaient pas. Je shoot et ces clowns à la radio comme un tibia dans le pao. Déjà installa le hip-hop, je n'avais plus rien à foutre. Le mouvement était plus authentique, quoi qu'en disent les autres. Boîte à rythme conservée dans le format, les sampleurs qui puent et la l'asphalte. Ceux qui osent dire ceci, cela, ferait mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci, cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Je me rappelle de cette bonne époque, quand c'était la guerre. Pour choper les cassettes d'Ice Cube ou du ministère, essayer de gratter le intox. Sorti chez Libère où l'on chantait en chœur. C'est clair, j'ai le touché, nique ta mère. Après quelques verres, je partais avec mon cahier et mes feuilles. Poser mes premiers freestyles dans l'émission de Sly. Puis le pétage de face B chez DJ Get Down. Et les premiers morceaux carrés qui ont été faits chez Eon. Nouvelle donne, en 2000 on sort Sélection Espoir. 4 ans plus tard, on remet ça avec Montpellier All-Star. Ça a toujours taffé, entre langue de pute et bâtard. Mais attends ce qui arrive, va t'ouvrir le fion connard. C'est toujours bonnard quand on traîne autant d'ennemis. Quand un CD de merde suscite envie et jalousie. En plus ça fait jaser que de rappeurs blancs sont respectés. Quand d'autres pédales sont crachés à la gueule dans leur quartier. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. On était déjà là à tuer le micro sur face B. Que les autres étaient même pas capables de se moucher. Beaucoup de gamins veulent tester, clasher. Sont pas prêts à saigner du nez. Pas plus que leurs aînés il y a quelques années. Je me marre quand je vois que ceux qui me traitaient d'alcoolo à l'époque ont les sinus ravagés par la coque. Caillot de sang dans les veines. Génération trop hardcore. Élevé à la Heineken. ODS déjà mort. Le putain de sang qui te malmène. Dis-moi combien de salopes ont voulu nous traîner dans la boue. Combien ont tenu le coup. Et combien tiennent encore debout. Combien de beaux parleurs ont finalement perdu leur langue. Combien de crews de merde se sont pris pour des gangs. Combien de mises à l'amende. Combien de nos morceaux t'emmerdent. Ici y'a tout à gagner, tout à prendre parce que plus rien à perdre. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son. Un truc bien oppressant. Ils ont pas la carrure de toute façon pour venir tester des gars qui tuent le sillon depuis plus de 10 ans. Ceux qui osent dire ceci cela feraient mieux de se taire et d'écouter le son.